et je crois en nous. Je crois en l'amour. Je crois en je crois en toi. Grâce au talent de M. Béliveau, on nous livre de belles petites perles sur cet opus. Travailler, c'est trop dur. Ce classique country de Zachary Richard prend des allures de folk rock des plus entraînants. Autre classique qui se refait une beauté, c'est, on vient de l'entendre, « Je crois en l'amour », dont les orchestrations me font penser à du bon vieux Eagles. La pièce titre qu'on va entendre en fin de commentaire, « Welcome Soleil », obtient également une belle cure de jouvence, folk rock grâce à une superbe trame de piano. On croirait entendre également du Charlie Daniels Band en écoutant La Prison de Londres qui s'en vient dans quelques secondes. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Je termine avec, bien sûr, Evangeline, déposée sur une trame de guitare acoustique majestueuse. Les orchestrations de cette belle version mettent en valeur le très beau timbre de voix d'Annie Blanchard. Pour l'instant, on va se faire soigner avec La Prison de Londres. Voici Annie Blanchard. Je mourrai, demain si je mourrai.